Bonjour, je voulais me préparer pour faire ce que je voulais faire par rapport au fameux pentacle. Je voulais faire ça en fin de semaine. Finalement, je me suis dit que c'était mieux que je me prépare pas. Donc, on va se lancer là-dedans. Là, l'affaire, c'est si on veut faire éclater des formes, détruire des choses, on n'a pas le choix de baigner dedans. Donc, si par rapport à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les initiés de la connaissance, il y a des choses qu'on veut défaire, on n'a pas le choix d'être un petit peu dans la connaissance. C'est un peu comme une autre fois, je ne me rappelle pas de quoi je parlais. Puis, je pense que c'était la synthétisation. Donc, par rapport à tout ça, il faut comprendre, quand j'étais enfant, j'avais à peu près, peut-être, c'était la première année, là, fait que je devais avoir autour de 7 ans, il y a un évêque qui était venu nous voir, l'évêque de la ville était venu nous voir, puis étant enfant, je me posais toutes sortes de questions par rapport à un vécu que j'avais qui était un peu spécial, puis ses réponses étaient extrêmement naïves, même j'irais jusqu'à dire que je l'ai trouvé stupide un peu, parce que justement, il voyait pas. C'est comme s'il ne voulait pas répondre. Puis, à partir de ce moment-là, ça confirmait mon idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau humain dans la société. Finalement, je me suis abonné très jeune à la bibliothèque, puis je suis probablement le seul enfant de ma ville qui avait et au niveau d'un abonnement à la bibliothèque municipale, qui avait un abonnement d'adulte. Parce que les livres pour enfants ne m'intéressaient pas. Ce que je cherchais, je le savais que j'aurais pas le choix, on peut dire, de venir à temps perdu. J'ai énormément lu la première phase de ma vie. J'ai énormément lu. Donc, c'est même incroyable que d'avoir autant lu, d'avoir passé autant de temps à lire toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et finalement, autour de l'âge de 26 ans, j'avais tout lu, ce que j'avais à lire dans la bibliothèque municipale. Puis je n'ai jamais renouvelé mon abonnement. J'achetais aussi des livres. Puis, comme vous avez peut-être vu, j'ai cherché, si on peut dire, la cause de ce qui n'allait pas selon moi, parce qu'instinctivement, je savais qu'il y a de quoi qui ne va pas dans notre monde. Puis, si on peut dire au niveau social, entre autres, il y a quelque chose au cœur de l'être humain qui fait que il polarise, il se met en conflit, il y a des luttes de pouvoir, et puis c'est toute la société qui en souffre. Parce que ça fait des guerres entre initiés, et c'est ça qui a formé la société occidentale. Et nous arrivons à l'apogée de ça. Donc, par rapport à les initiés de la connaissance, on pourrait remonter jusqu'aux pythagoriciens, dont le pentacle était un symbole de reconnaissance. Il s'agit d'une synthétisation de l'homme. Donc, on peut voir qu'il y a comme une tête, deux bras, deux jambes. Donc, par rapport aux pythagoriciens, si vous lisez certains historiens, notamment romains, qui avaient visité les Gaules, ils disaient que les druides étaient au fond des pythagoriciens. Et il y a le même phénomène par rapport à d'autres historiens. À l'époque, ce n'était pas des historiens qui fouillaient dans les archives, c'était des historiens qui allaient sur place, qui s'informaient sur place beaucoup. Et ils sont historiens au sens de leurs contemporains, entre autres, mais aussi de restituer une certaine tradition orale. C'est la même chose par rapport aux Celtes. Donc, quand il y a eu ce qu'on pourrait appeler les débuts du monothéisme en Occident, les pythagoriciens étaient considérés comme très mal considérés. Ils avaient déjà été très mal considérés dans l'Antiquité et il y avait eu des persécutions. Parce que d'une certaine façon, ils avaient une science de synthétisation, comme ça, c'est la synthétisation de l'homme, le microcosme. Puis, jusqu'à un certain point, ils se servaient de la connaissance pour parfois prendre le pouvoir dans des cités-États, des choses comme ça, ou placer des taupes au niveau de leurs intérêts. Par après, il y a eu en Occident le début du christianisme, ces choses-là. Ont dû se cacher, c'est-à-dire que les anciens initiés de la connaissance, qui étaient surtout des initiés au sens de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des religions à mystère, c'est-à-dire il fallait se faire initier, parce que c'est très élitiste la connaissance, ça l'a toujours été. Et par rapport à ça, on voit le pentacle disparaît un peu de la culture occidentale. On va le retrouver chez Cornelis Agrippa, entre autres, qui à un moment donné, ça revient. quand que c'est moins dangereux. Mais il reste que ces choses-là sont toujours restées. Puis, si on parle au niveau des guerres entre les initiés de la connaissance, il y a eu une guerre entre ce qu'on pourrait appeler l'Église de Pierre. Bon, à Rome, le Vatican qui était construit sur un ancien endroit où il y avait ce qu'on appelle une pitié qui vaticinait Vatican est considéré comme le tombeau de Pierre, mais en fait, c'est pas le cas. Ça revient à tuer Pierre, ça veut dire petit caillou. Si on remonte à la racine, tu es pierre, sur cette pierre, blablabla, je bâtirai mon église. Il y a eu une guerre entre ce qu'on pourrait appeler le christianisme autoritaire qui se justifie par la révélation et donc par une autorité, et le christianisme des origines, qui était au fond en accord avec son temps d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a affaire à une structure typique de l'Antiquité, le christianisme de Jean. Si on peut dire l'Évangile selon Saint Jean. Puis, vous voyez aussi, l'Église catholique a fait de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, une prostituée, alors qu'il y a mention de ça dans aucun des Évangiles. On entend parfois, par exemple, l'Église va parler des aïeux de Jésus, de sa famille, ou des gens qui ne sont pas mentionnés dans les quatre Évangiles officiels, donc on peut considérer que le Vatican et les théologiens puis sont au courant de ce qu'on appelle certains évangiles apocryphes, notamment, parce que c'est très lié à une lignée. Dans les évangiles, le Christ ne cesse de se réclamer de la maison de David. Et puis, à une certaine époque, il y a un monsieur qui, d'une certaine façon, a voulu, possiblement, avoir accès à certains textes, et a possiblement voulu vérifier dans les faits. Donc, c'est Bernard de Clairvaux qui a envoyé des Templiers en Terre Sainte, ceux qu'on a appelés les Templiers, et il semblerait qu'ils en aient ramené la capacité de synthétisation au point de devenir les premiers banquiers. Aujourd'hui, les gens dans la haute finance, qui étudient la haute finance, souvent, ils sont en habit-cravate dans des bureaux, ils gèrent des fonds, et le soir, ils rentrent chez eux, c'est souvent des juifs, et ils vont se mettre une pika et une kippa, plutôt une pika, mais en tout cas une kippa, et ils vont étudier le Zohar, par exemple. Ce sont des kabbalistes. Or, la kabbale semble venir des Babyloniens, les juifs ayant été à Babylone un bout de temps, jusqu'à ce qu'il y ait une guerre avec la Syrie du temps. Ou plutôt, ce que pas vraiment, dans le fond, c'est plus les Assyriens. Là, on pourrait parler d'Assyro-Babylonien, c'est tout ce qui est dans le coin du Tigre et de l'Euphrate. Et puis bon. Là, ce qui arrive, c'est que le Pentacle revient à un moment donné. Pourquoi? Parce que les Templiers sont devenus un ordre extrêmement puissant en Europe, et d'ailleurs, si on peut dire, c'est la France qui est le centre. C'est là qu'il y a le plus de commanderies. Et ils sont devenus les premiers banquiers. Ils sont extrêmement puissants. Ils représentent un pouvoir militaire. Et en plus, des gens très importants, très influents, leur doivent de l'argent qui, possiblement, ils ne peuvent pas leur rembourser. Donc, il va y avoir des arrestations et des accusations, parfois vraiment farfelues. Donc, il y a certaines autres accusations qui sont possiblement c'est réel, mais ce qui arrive, c'est que ça a servi de prétexte pour les diaboliser. Parce que vous savez qu'il y a deux maîtres des Templiers qui ont été arrêtés et brûlés ensemble sur le même bûcher. Or, au niveau des initiés de la connaissance, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que par rapport, si on peut dire dans une optique un petit peu pythagoricienne, un, ça fait un point. Deux, ça fait un trait. Et la base de construction de toute structure, puis c'est pareil au niveau de structure sociale et hiérarchique, c'est le 3. Donc, on peut penser qu'il y avait un troisième maître. Possiblement, parce que c'est la logique. Il y en a qui vont dire oui, mais les Templiers sont beaucoup dans la dualité. Ils semblent avoir découvert des choses par rapport au manichéisme. Ils semblent beaucoup liés à l'harmonie entre les contraires. Et il y avait un sceau où on voyait qui représente la camaraderie, le compagnonnage, l'amitié, où on voit deux chevaliers du temple sur le même cheval. Or, ça reste trois, sauf que c'est un triangle comme ça, parce qu'il y a le cheval ici. Donc, et si on considère aussi que les Templiers étaient réellement allés en Terre Sainte pour une mission, c'est-à-dire redécouvrir certaines choses, nous pouvons considérer que certainement ils ont redécouvert certaines choses. Comme par exemple, on les a accusés d'adorer une idole qu'on appelait le Baphomet. Or, pas le Baphomet d'Éliphaz Lévi. Le Baphomet, il y en a qui ont dit que c'était une avec des contacts avec les Sarrasins, les Mahométans, que c'était, dans le fond, ils s'étaient convertis, que c'était des traîtres, et que c'était une mauvaise prononciation de Mahomet. Or, c'est complètement farfelu, c'est complètement ridicule. Pourtant, c'est une thèse qu'on voit chez beaucoup d'historiens. Donc, l'affaire avec le Baphomet, c'est qu'il s'agit d'une synthétisation des forces de la nature qu'on retrouve beaucoup dans l'Antiquité. Donc, vous avez un personnage qui est androgyne, qui va tenir dans ses bras ce qu'on pourrait appeler deux grands sceptres. Parce qu'ici, là, j'ai mis ça positif-négatif, mais ça peut aussi être négatif-positif. Donc, la lune ici, souvent, le soleil ici. Et ici, il va y avoir un pentacle. Donc, jusqu'à un certain point qu'on peut rattacher à toutes sortes de choses, on peut rapprocher ça d'une redécouverte de l'homme en tant que microcosme au niveau du 5, qui est l'étoile à 5 branches, qui est une synthétisation de l'être humain et qui est un assemblage de triangles, comme vous pouvez voir, parce qu'ici, il y a un autre pentacle inversé qu'on peut mettre. Et ça fait des triangles à l'infini. Et c'est la base de la construction de toute hiérarchie. De toute hiérarchie. Si on considère la pensée occidentale au niveau des sociétés modernes, on se rend compte que c'est encore la même chose, c'est-à-dire que certaines choses se sont transmises. Donc, juste au niveau de ce qu'on pourrait appeler la société laïque moderne, vous allez avoir trois principes, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et c'est un principe de trinité qu'on retrouve aussi, par exemple, chez les synarques, comme Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui est un initié de la connaissance, très poussé notamment, qui est un des premiers à avoir réellement redécouvert en tant qu'érudit certains principes qu'il y a dans l'hindouisme, par exemple, et aussi même dans le taoïsme, ce qui est très encore plus surprenant. Or, si on considère qu'il s'agit d'une synthétisation, c'est-à-dire d'une structure qui permet de comprendre des rapports de force au niveau de la structure par rapport à la circulation de l'énergie, tout s'éclaire d'une autre façon. Il s'agit non pas nécessairement de réalités toujours mystiques, mais de choses qui peuvent être extrêmement concrètes. Comme par exemple, celui-là va dire, le neutre impartial va dire « je suis juste ». Le sauveur va dire « je suis bon ». Au début, Dieu dit que la lumière soit et voit que c'est juste et bon. Vous voyez, c'est toujours des jeux comme ça. Le bourreau va dire « je suis droit », comme un policier, un moine-soldat qui fait le lien entre « je suis juste et bon ». La victime, elle, va dire « je suis irréprochable ». Or, il s'agit de rapports d'énergie, entre autres au niveau de la structure, puis comment synthétiser les choses. Ici, les éléments, le feu, ici, on pourrait mettre l'air et la terre, mais l'air et la terre, je les mettrais plus ici. Là, ici, il y en a, ils vont dire « ouais, mais ça, il y a des lignes ici ». Oui, c'est parce qu'il y a un carré ici, qui représente notre plan matériel, qui est fait d'air et de terre, si vous voulez. Puis, il y a des éléments plus subtils, là, ici. Vous voyez, comme ici, ça peut être vu comme... ici, ça a moins d'importance parce que c'est lié, là. Il y a une complémentarité, mais de toute façon, il y a une autre complémentarité. Parce que, au niveau d'un macrocosme, si vous voulez... il va avoir un microcosme, donc ça c'est un microcosme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va y avoir un macrocosme. Donc, vous allez ici avoir le macrocosme, si vous voulez. Les Templiers étaient très portés à faire des formes octogonales. Là, on pourrait parler le cosmos. Donc, on se rend compte que c'est extrêmement simple. Là, je vous donne des clés par rapport à d'autres choses parce que j'ai pas envie de tomber dans l'aspect mathématique extrêmement compliqué, extrêmement complexe, parce que c'est déjà tout dans les livres d'ésotérisme. Ce que je veux présenter, c'est ce qui n'est pas parlé, ce qui n'est pas su, ce qui n'est jamais dit, ce dont on ne parle jamais. Parce que au niveau d'une initiation par rapport à la connaissance, certains vont prêter serment de ne pas révéler certains secrets, certaines choses qui sont vues comme des secrets, alors qu'au fond, ce sont des choses très simples. Ça fait partie de l'enfance de l'humanité, puis à un moment donné, il va falloir faire éclater la forme puis se rendre compte que c'est pas grand-chose. Comme par exemple, dans le Magen David, vous retrouvez les mêmes principes, mais là, on pourrait parler d'une synthétisation qui va plus loin que l'homme en tant que microcosme. C'est pour ça que le Magen David va être considéré dans le judaïsme, par exemple, comme un symbole qui représente le divin. Donc, ce sont des choses extrêmement simples au fond. C'est pour ça que les gens qui faisaient partie de commanderie étaient mis à l'épreuve au niveau de l'obéissance, pas nécessairement de leur intelligence, parce que pas besoin d'être un si grand érudit pour comprendre les principes de base. Même des enfants pourraient comprendre. C'est assez simple au fond. L'être humain, en tant que synthétisation de la nature, il va être lui-même avoir un microcosme de son macrocosme en lui. Et toutes les structures au niveau de lois mathématiques d'harmonie, qu'on pourrait même par rapport, par exemple, à la façon dont les cristaux crossent et tout, l'être humain il va être quelque chose, ce qu'on pourrait appeler, vous savez, de fractal. Par exemple, la main. La main, c'est 5. Et c'est un peu... c'est pour ça qu'au niveau de la réflexologie, il y a des gens qui vont considérer qu'il y a des points dans la main qui correspondent à chaque partie du corps. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il s'agit de lois qui, dans l'Antiquité, puis même au Moyen Âge, au niveau de certains érudits, étaient considérées comme des vérités. L'affaire, c'est qu'il y a une guerre entre les initiés de la connaissance et ce qu'on pourrait appeler les initiés de la révélation qui vont se justifier au niveau d'une autorité. Et c'est certain que quand un pape de qui vous relevez finit par vous trahir à cause d'un roi corrompu qui, pour des raisons de pouvoir, veut vous faire arrêter, c'est certain que si on en brûle deux, puis qu'il en reste un, ils vont transmettre ces connaissances-là, puis possiblement, étant donné la polarité de l'être humain au niveau social, les dynamiques de groupe, la psychologie de groupe, c'est certain que ça a dû se transmettre. Ça a dû se transmettre et possiblement qu'ils ont juré de détruire à la fois la royauté et l'Église. Et par après, nous avons la franc-maçonnerie qui nous vient d'Écosse. Écosse et d'Angleterre, là d'où serait venu Joseph d'Arimathie, par exemple, hein, qui viendrait de Cornouailles. Donc, on se rend compte que ce sont les soldats templiers qui ont amené le damier en Occident, le jeu d'échecs, entre autres, et les dames. C'est qu'il y avait des jeux, possiblement, qui étaient courants plus au Moyen-Orient. Or, on sait aujourd'hui que de jouer aux échecs, et puis il y a certaines expériences qui démontrent que ça, au niveau du branchement synaptique, il y a des gens chez qui on a pu faire monter plusieurs points de QI là, par des expériences où on les fait jouer aux échecs. Il s'agit de des jeux de connaissances, entre autres, mais aussi de façon de synthétiser et de voir. Donc, par après, on retrouve chez les Templiers le damier, qui devient extrêmement important. Et quand la franc-maçonnerie arrive, on se rend compte que le damier, qui semble être lié entre autres à d'anciennes doctrines comme le manichéisme, des choses dans l'Antiquité qui étaient très connues, notamment, là, bon, il y a tout le temps la lune, le soleil, positif, négatif, on voit l'importance que ça a. Donc, on voit certaines origines tout de suite. Puis finalement, c'est comme ici, si vous regardez le pentacle, bon, ici, on pourrait considérer que c'est des triangles, mais ici, il y a un triangle, on pourrait l'appeler la justice. Vous avez comme ici, on pourrait mettre un policier, ici un juge, ici votre avocat, ou on peut faire aussi un triangle comme ça, c'est-à-dire comme quelqu'un qui comparaît devant la loi. C'est ce qu'on pourrait appeler les triangles de la justice. Tandis qu'ici, on pourrait voir plus les triangles du politique et du social. Donc, les services judiciaires, tout ce qui est judiciaire, les services de répression, et puis ici, la politique, les services sociaux. Donc, tout peut être synthétisé. L'autre affaire qu'il y a, c'est que certaines de ces doctrines-là semblent fortement teintées de gnosticisme. Or, par rapport à des persécutions qu'il y a eu en Europe, il n'y a pas juste les Templiers. Parce qu'on les accuse de crimes, puis finalement, auxquels je ne crois pas. Je ne crois pas au niveau de la psychologie humaine et de l'attitude des gens, puis ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas plausible. Un autre groupe qui a été persécuté, ce sont les Cathares. Et les Cathares, étaient. S'il y a une guerre entre les initiés de la connaissance, c'est à cause de la polarité dans le mental, entre autres. C'est pour ça qu'il y a des dogmes qui s'affrontent. Et les Cathares détestaient la matière et la chair, pour des raisons qui semblent irriter, entre autres, d'une forme de gnosticisme mal digéré. Et aujourd'hui, on voit ressortir ça chez les gens qui vont parler beaucoup le matriciel, la matrice. Alors qu'au fond, c'est lié à la polarité dans le mental. Si le verbe c'est fait chair, c'est pour que la chair un jour se fasse feu, ce qu'on appelle le corps éthérique et l'autre transition. Le supramental a été annoncé par un philosophe indien qui avait étudié en Angleterre et qui avait été très marqué par la rencontre avec la paléontologie, ce qu'on pourrait appeler par exemple non seulement la paléontologie, mais aussi le darwinisme. Donc, au niveau d'un darwinisme, il s'est dit que si l'être humain est un être transitif, comme ça semblait le démontrer et tout, et au lieu de voir une dualité entre la science paléontologique et la science en général occidentale, et voir que ça contredisait l'hindouisme et la spiritualité jusqu'à un certain point, il a pensé que ces deux vues-là devaient être des parts du réel et qu'elles étaient complémentaires. Donc, il a considéré que, étant donné qu'on arrivait à la fin d'un cycle, que même on n'est pas encore, mais lui, ça fait un bout de temps, c'est la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et il s'est dit que l'être humain était un être transitif et qu'il était en phase de transiter vers une évolution, une nouvelle race qui allait venir sur Terre, et ça réussissait à réconcilier la science et sa religion hindoue. Et c'est lui qui a annoncé le supramental. Pourquoi? Parce que tout simplement, par déduction, entre autres, si vous regardez, peu importe l'opinion que je peux avoir au niveau des mouvements sociaux liés au supramental, si vous regardez le Matrimandir, cette espèce de temple étrange qui ressemble à une soucoupe voleuse. Moi, je trouve que ça ressemble à un ovni, puis c'est beau, mais ça me fascine pas vraiment. Mais on voit, c'est comme une sphère. Et puis, à un certain niveau, là, il y a un escalier qui monte comme en spirale. Il y a deux escaliers, en fait, qui sont un peu comme les deux serpents de la Kundalini, puis aussi du caducée d'Hermès. Les initiés de l'Antiquité essayaient de faire monter le feu jusqu'au cerveau et des fois, ils en mouraient. Vous pouvez vous brûler la cervelle. Or, le supramental vient d'en haut. C'est une nouvelle phase pour laquelle tout ça a été créé dans le fond. Et ici, ils ont mis une boule de cristal au centre du bâtiment. Ici, il y a un trou avec des jeux de miroir et il y a le rayon solaire descend comme ça, puis ça éclaire tout le bâtiment, même ça sort ici en dessous. Donc, on peut voir ça comme le rayon du savoir qui passe à travers le vertex, et le vertex émet en mouvement ce que certains ont appelé la glande pinéale. Si vous regardez au niveau de l'histoire de l'Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout le temps eu des guerres entre initiés de la connaissance. Prenez par exemple Vlad Tepes le Valaquin, dit Dracul, il y a des choses sur lui qui sont rapportées qui sont tellement épouvantables que c'est à peine croyable. Or, il y a beaucoup, disons qu'on dirait qu'il semblerait qu'il y ait eu un coup d'État contre lui et qu'il y a des religieux qui l'ont dénigré beaucoup. Or, Dracul, ça veut dire le dragon. Donc, on peut penser que, par exemple, chez les Templiers, si vous regardez, une des choses qu'on voit sur, par exemple, dans leur sceau officiel, qui servait à cacheter des plis, des parchemins pliés, il y a, je ne le dessinerai pas là, mais il y a ce qu'on appelle l'Abraxas. L'Abraxas, c'est une figure du gnosticisme. C'est une figure qu'on pourrait rapporter à ça, mais au niveau de représenter d'autres principes. Les pieds de cette figure-là sont des serpents, donc le tellurique de la terre, et la tête est celle d'un oiseau, d'un coq, qui est un symbole solaire. Donc, on peut penser à une initiation par rapport au courant cosmo-tellurique, si vous voulez. Et on voit chez les bâtisseurs de temples et chez les bâtisseurs de cathédrales les mêmes connaissances au niveau de la forme, mais au lieu d'être comme on l'a vu dans le supramental par rapport à... c'est plus horizontal, c'est les lignes de la Terre en tant que réceptacle. Parce que, comme on le voit dans le taoïsme, il y a une polarité entre le ciel et la Terre. Et c'est l'harmonie qui va faire que, bon, le vivant peut se manifester sur Terre. Et d'ailleurs, au niveau de mutations d'espèces qui apparaissent, il semble qu'il y ait un effet au niveau de force cosmique. Donc, par rapport à Vlad Tepes, Dracul, je pense qu'il y a eu un coup d'État, et comme pour les Templiers, on l'a accusé de crime horrible, tout simplement parce que c'est une guerre entre l'Église et certaines connaissances qui circulent encore et qui ont tout le temps été présentes. Une guerre de pouvoir, peut-être était-il vu comme dérangeant. Vous avez une autre mauvaise réputation qui est associée des fois à Vlad Tepes, même si ça vient plus tard, c'est en Hongrie, Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory, qui était devenue une femme extrêmement puissante, qui avait énormément de possessions, il semble y avoir eu un coup monté contre elle aussi, pour trouver une façon de, pas de l'exécuter, mais au moins de l'empêcher de nuire. Et si vous regardez sur les armoiries des Báthory, vous allez voir qu'il y a un dragon. On pourrait même rapprocher ça de où il y a aussi dans le monde un escalier comme ça, dans le château de Chambord. Or, François Ier avait choisi comme symbole la salamandre, une salamandre qui crache le feu. Donc, encore un symbole lié au cosmotellurisme. Mais au niveau de ces formes-là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement naïf. Je suis extrêmement découragé de voir de jeunes gens qui ont des pentacles sur leur t-shirt et qui sont fascinés par ce type de forme-là. Parce que l'être humain, au niveau de la polarité dans son mental, va être mis inconsciemment en vibration par sa propre forme. Par sa propre forme. Et comme Narcisse fasciné devant son reflet, il s'endort et il ne voit pas au-delà. Il ne peut pas avoir, il est obligé de se faire initier au niveau de la connaissance. Il ne peut pas voir par lui-même, il ne peut pas faire éclater la forme par lui-même pour se réapproprier l'énergie. Donc, le pentacle est devenu un hochet pour bébé. Oui, au niveau mathématique, au niveau de certaines lois, ça reste valable, mais la fascination pour la forme et aussi la fierté d'appartenir à des groupes qui se transmettent de la connaissance au sens d'un élitisme, ça, c'est enfantin. Et il va falloir un jour que ça cesse. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester fasciné par des choses qui font partie de l'enfance de l'humanité. Parce que comme Aurobindo l'a annoncé, il va falloir à un moment donné transiter vers la, si on peut dire entre guillemets, la race nouvelle. Donc, il va falloir faire éclater ces formes-là, se réapproprier l'énergie, et au lieu d'avoir des forces telluriques qui débloquent les centres de l'homme en montant, il va falloir, le prochain cycle, c'est ce qui descend, ce qui vient débarrer par en haut, il faut que ça vienne d'en haut. L'être humain, par rapport à ses mythes initiatiques, il va toujours y avoir ce qu'on appelle le héros solaire. Le héros solaire. Mais, comme vous savez, dans la mythologie, il y a aussi, jusqu'à un certain point, des anti-héros solaires, comme Icare qui se brûle, s'ayant approché trop près du soleil, la cire de ses ailes fond et il chute. Il rechute dans la matière, ce qui était la grande peur, la grande crainte par exemple chez les Cathares, qui considéraient la matière comme une prison et qui dualisaient dans la polarité dans leur mental au niveau d'une spiritualité. Ils antagonisaient la matière. Or, de tels êtres ne peuvent que se programmer à s'autodétruire par l'autre, par l'altérité. C'est pour ça, jusqu'à un certain point, qu'ils ont disparu. Ceux qui semblent avoir su survivre et transmettre leurs choses, on dirait que ça a fini par devenir ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. Or, à cause de l'immaturité de l'être humain, de ses penchants sociaux, animaux, parce que l'être humain est encore un anthropoïde sophistiqué, un animal social, il n'a pas la maturité de prendre de telles choses pour considérer qu'il a l'autorité. Dans le fond, il devient aussi pire que les initiés de la connaissance qui se justifiaient par la révélation. Or, la vérité est l'envers du faux. Ce n'est pas le réel. Et il va falloir que ces factions-là, un jour, s'entretuent ou cessent de se mener une guerre. Les rituels ne sont que des simagrées infantiles et puériles, et c'est pareil pour tous les groupes initiatiques à mes yeux, car ce sont des choses extrêmement simples. N'importe qui a un peu de jugeote et qui a eu beaucoup de temps, entre autres, quand j'étais plus jeune et que je lisais énormément, ce que je cherchais, je ne le trouvais pas. J'ai fini par lire Bernard de Montréal, puis j'ai cessé de chercher. Et là, pouf, pouf, pouf, tout est apparu très clairement. Et aujourd'hui, je trouve ça puéril et ridicule. Comme les jeunes qui ont des pentacles sur des bijoux ou sur leurs t-shirts, ça m'indispose, ça me met en colère, parce que c'est une preuve de la naïveté de l'être humain, c'est une preuve de sa naïveté, l'apparition de choses d'anciens, on dirait d'anciennes forces au niveau mémoriel, comme les Wiccans, ces choses-là. Il faut comprendre que dans un passé très lointain, l'humanité a été matriarcale et que la grande religion, c'était ce qu'on a appelé la déesse-mère. D'ailleurs, on retrouve ça avec le Matrimandir, le temple de la mère et ainsi de suite. Ces choses-là, il faut comprendre que par après, il y a eu une révolte du masculin. Et là, on est tombé dans des religions patriarcales. C'est pour ça que l'Église catholique a décrété que Marie-Madeleine était une prostituée, alors qu'il n'est mention de rien de ça dans les évangiles. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un culte ni masculin ni féminin. En fait, c'était quelque chose de complémentaire. Et ça, il semblerait que les sociétés ou les groupes élitistes ou autoritaires ne voulaient pas que ça arrive. Or, c'est pas une raison de nos jours pour tomber puis devenir des baphomets, là, comme on voit avec certains mouvements comme les transgenres puis les LGBT. La vraie harmonie complémentaire, elle doit se faire au niveau social par rapport à l'autre, pas par rapport à soi. L'être humain est encore un narcisse qui se met en vibration par sa propre forme. D'où un paquet de dérives qui, d'un point de vue de la psychologie, sont extrêmement simples. Donc, si vous voulez regarder ces choses-là au niveau de la forme, moi, je ne trouve plus ça intéressant à part pour les défaire. Ici, on peut mettre un autre triangle, et ainsi de suite. Même si vous regardez les systèmes chinois avec les cinq éléments, si vous regardez la circulation du sang au niveau vasculaire dans le corps, vous allez voir qu'il y a un mouvement qui est lié au pentacle, que le pentacle synthétise ça. Le cœur, pourquoi le cœur est quatre chambres? Pourquoi il y a une croix ici? Il y en a d'autres, hein? Ça fait un damier. C'est comme, par exemple, quand un groupe extrêmement influent et puissant veut empêcher quelqu'un de nuire, ils vont se servir de la triangulation. Donc, vous pouvez avoir des problèmes avec vous allez avoir des problèmes avec la police puis le judiciaire, ou on va se servir, par exemple, des médias. Puis finalement, la vraie antagonisation, elle va toujours venir d'ici, là. Ça vient toujours d'en haut. Parce que celui qui se dit neutre et impartial va dire « je suis juste ». Le bourreau va dire « je suis droit ». La victime va dire « je suis irréprochable ». Elle est immédiatement mise dans une position où elle doit se défendre. Et ici, le sauveur va dire « je suis bon ». Et souvent, le sauveur va, avec le juge, « nous sommes justes et bons », blablabla. Le contrôleur, lui, ici, c'est « je ne suis pas ». Parce que, pourquoi ici, il y a comme une pyramide, puis là, il y a une séparation. Ça, c'est séparé. C'est le troisième maître, si vous voulez, celui qui n'a pas été brûlé et a fait en sorte que se perpétue la connaissance. Parce qu'imaginez, tous les Templiers ont été arrêtés le même jour à la même heure. Imaginez, là, comment c'est complexe une opération comme ça. Si Maurice Duplessis, dans le temps, avait voulu faire arrêter tous les témoins de Jéhovah le même jour à la même heure, il n'aurait pas eu la capacité technique. Il n'aurait pas eu les forces nécessaires. Donc, il y a eu là réellement quelque chose qui a engendré un sentiment de vengeance dans le temps, parce que c'est de la connaissance, donc de la mémoire. Et finalement, nous avons vu la monarchie se faire décapiter. Alors là, je parle au niveau de la France. La monarchie s'est fait décapiter. Même si les Anglais avaient décapité un roi avant. Mais on voit d'où ça vient. On voit le mouvement. Par la suite, vous avez l'Église catholique aussi, que Voltaire appelait l'informe, qui est, semble-t-il, moribonde de plus en plus. Et comment on fait ça? Eh bien, au niveau d'une commanderie, c'est en mettant des taupes et en infiltrant de l'intérieur. Et par après, vous avez la synarchie internationale. Au fond, l'Union européenne, la première qui a été voulue, c'était possiblement par les Templiers. Ensuite, vous avez les synarques. Or, il y a une continuité au niveau des doctrines, au niveau des idées. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. J'ose espérer que c'est correct, même s'il y en aurait tellement d'autres à dire, tellement plus à dire. Et on pourra en parler pendant des heures. C'est ça le problème avec la connaissance. Or, au niveau d'un contact, si vous avez un savoir, vous allez voir tout simplement. Et à mesure que vous observez, que vous êtes dans une observation active, vous allez voir. Vous allez voir les formes, vous allez voir les liens, vous allez voir la continuité, vous allez voir le jeu, vous allez voir le mensonge au fond. Parce que par rapport, par exemple, aux gnostiques, qui antagonisait la matière comme étant contraire à l'esprit, il y a certains groupes qui ont fini par considérer que Yahvé n'était pas le vrai Dieu, que c'était Lucifer et que nous vivions dans une prison d'inversion due à la polarité, entre autres. Puis là, il fallait devenir trinaire pour finalement aboutir à la vérité, parce que le gnosticisme est lié à la connaissance. C'est remonter vers le divin par la connaissance. Or, dans des mentalités polarisées comme ça, on ne peut pas faire autrement que d'aboutir à des dérives en inversant tout. Même encore aujourd'hui, les gens complètement malades psychiquement qui s'adonnent à des messes noires, ben ça prend un prêtre catholique qui connaît le latin. Et ils sont même plus rigoristes que l'Église actuelle quand elle fait une messe. Au sens où c'est encore une inversion des traditions d'avant Vatican II qu'ils font dans des messes noires. Donc, toutes ces choses-là, à un moment donné, il va falloir cesser d'être fasciné. Il va falloir comprendre, c'est-à-dire voir. Pas comprendre au sens de l'intellect nécessairement, mais voir. Puis après, l'intellect, par l'argument, peut démontrer. Parce que malheureusement, on a affaire à des groupes extrêmement, extrêmement consciencieux par rapport à tout ce qui est archive, ce genre de choses-là. On peut démontrer par l'argument. Mais on ne peut pas prouver parce que ça a été voulu comme ça. Donc, bonne journée à tous.